Section 98 de la lecture, tome 6e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Sonia. La lecture, tome 6e. Section 98. La princesse Lilith, par Jules Lemaître, chapitre 6. Un peu après, Lilith alla dans le jardin et vit le vieux Zabulon qui pleurait. « Pourquoi pleures-tu, vieux Zabulon ?»« Vous le savez, princesse Lilith, je pleure parce que le roi veut tuer ce petit enfant qui est le Messie. »« Mais, dit Lilith, s'il était vraiment le Messie, les hommes n'auraient pas le pouvoir de le tuer. »« Dieu veut qu'on l'aide, » répondit Zabulon. « Princesse, vous qui êtes bonne et compatissante, vous devriez avertir le père et la mère de ce petit enfant. Mais où les trouverais-je ? Interrogez les gens de Bethléem. Mais dois-je sauver celui qui chassera ma race de ce palais, celui par qui je serai peut-être un jour une pauvre prisonnière ou une mendiante des rues ? Ces temps sont éloignés, dit Zabulon, et le Messie n'est encore qu'un tout petit enfant, plus faible que le petit Osaël. Puis le Messie aura assez de puissance pour être roi sans faire de mal à personne. Et si un jour vous aviez une fille, princesse Lilith, le Messie, quand il sera grand, pourrait la prendre en mariage. « Mais est-il le Messie ?» demanda Lilith. « Oui, dit Zabulon, puisqu'il est né à Bethléem, au temps marqué par les prophètes et que les mages ont vu son étoile. Il doit être beau, quoique petit, n'est-ce pas, Zabulon ? Il est écrit qu'il sera le plus beau entre les enfants des hommes. « J'irai le voir, » dit Lilith. Fin de la section 98.